Grosse rumeur, pour le moment c'est une rumeur, mais j'imagine qu'il y a plusieurs médias qui rapportent la nouvelle, c'est que les Alouettes de Montréal seraient sur le point d'être vendues à des intérêts québécois. C'est Herb Zakowski du journal The Gazette qui a rapporté la nouvelle ce matin. Et on va en parler avec Pascal Masson parce que évidemment, moi je pense que c'est la nouvelle que beaucoup de monde attendait depuis longtemps, la vente de l'équipe. Salut Pascal. Salut Dan. Pascal, tu es d'accord avec moi? Écoute, c'est en rumeur présentement, mais Herb Zakowski de la presse, pas de la presse, mais des gazettes, est souvent, et c'est un homme très bien branché. Donc, s'il y a certaines nouvelles, c'est que c'est en train de se faire. Ta réaction? Ben écoute, c'est sûr que si on suit aux dernières nouvelles, particulièrement à la NFL, une fois que ça commence à sortir, ça s'est concrétisé. Donc, j'espère effectivement qu'on va vivre ce moment-là. On parle depuis longtemps que Calvin Reed, c'est un gros problème, Calvin Reed. Cependant, Calvin Reed, il y a un patron qui s'appelle Lewis Tenor. Et il faut pas oublier que ultimement, la responsabilité de cette équipe-là revient au propriétaire. Et le fait de changer de propriétaire pourrait donner un second souffle à l'équipe et à l'organisation. Donc, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Je ne veux pas lancer personne en tout autobus, là, mais définitivement, il y avait un gros problème de gestion. Et si on parle d'un groupe de Québécois, d'investisseurs, d'hommes d'affaires québécois, ben déjà, il va avoir un sentiment d'importance là au niveau, tu sais, un sentiment d'appartenance au club. Donc ça pourrait faire un gros changement par rapport aux décisions prises. OK. Effectivement, parce que regarde, tu sais, moi je le dis tout le temps, c'est pas. Kevin Street, c'est un incompétent, mais de l'engager, c'est une chose, mais de le garder là, c'est une autre chose. Puis à un moment donné, tu sais, le gars, quand même, tu sais, on dit que c'est une question financière, c'est la seule et unique raison pourquoi il est encore avec le poste. Sauf que même au niveau financier, ce gars-là, ça vaut la peine de le mettre dehors, parce que ce gars-là a tout débâti. Puis continue pareil, puis juste le fait que tu as Kevis Reed encore directeur général, ça enlève l'espoir. Puis tu sais, Pascal, comment que l'espoir c'est important dans le sport, là. Ben écoute, tu sais, là, je peux pas croire qu'un propriétaire va arriver et qu'il va pas faire le ménage. Tu sais, je veux Au dire, c'est la complet, première même le chose. président, même s'il n'y a rien, là, à quelque part, ça prend maison nette pour donner confiance au monde. Non, non, non, il faut m'envoyer un message clair aux fans, puis à tout le monde qui ont décroché du club depuis les dernières années, me dire, hey, revenez avec nous autres, regardez, là, on fait le ménage. Certes, on va avoir une année très difficile. On peut pas revirer le club à l'envers tout de suite, mais on va faire des actions, on va poser des actions pour justement vous reprendre votre confiance et vous donner espoir que notre club va s'en aller dans la bonne direction. Et c'est ce qu'il fallait qu'il arrive, là, et c'est ce qu'il faut qu'il arrive, là. La pire brique qui pourrait nous tomber sur la tête, c'est que finalement, ça n'a pas lieu, là, mais effectivement, là, quand on a appris cette nouvelle-là, là, le sourire nous est venu aux lèvres de façon naturelle, là. Ben oui, effectivement. Pascal, les gens se posent des questions. La famille Whitehall, tu sais, ça n'a pas tout été noir, là. Ça a même une chance qu'on les a eu, Robert Whitehall et Larry Smith. Mais à un moment donné, tu vas être d'accord avec moi, t'as fait ton temps. Tu sais, à un moment donné, là, t'as fait ton temps. Jim Popp a été un très bon directeur général. Par contre, il avait fait son temps. C'est la même chose, j'imagine, avec les Whitehall. C'est la même chose, là. Ben écoute, c'est la même chose, certain. Puis, tu sais, faut pas oublier que c'est Bob Wittenhall, qui est le père, qui a grandement aidé la ville de Montréal et le club des Alouettes à connaître du succès et par ses actions avec la collaboration de Jim Popp à ce moment-là, puis Larry. Et puis Larry, exactement, Larry Smith, qui était un rouage important de notre organisation. Et il y a eu des changements par la suite. C'est pas parce que t'as le même nom de famille que nécessairement t'as la même gestion et t'as les mêmes capacités à prendre les bonnes décisions, ce qui nous a été démontré dans les dernières années. Par la suite, ben Jim Popp, qui était peut-être habitué justement à travailler avec Bob Whitenall, a réussi à mettre des pantoufles puis à être un peu trop à l'aise et ultimement n'a pas nécessairement garder le même rythme là qu'il y avait dans le passé, ce qui est normal aussi, hein. on le sait, là, un directeur général, comme un entraîneur, comme un joueur, va avoir des moments forts, des moments faibles, puis à un moment donné, ben, tu pognes le creux de la vague, ce qui est arrivé clairement avec Jim Pop à ce moment-là. Et les Wittenhausfils n'ont jamais été en mesure de trouver les bonnes personnes à mettre en place et à faire relever le club. Ben non. Okay. Où on était habitué de les avoir, là, tu sais. Oui, effectivement, effectivement. Puis, c'est, puis la Ligue canadienne de football, écoute, c'est la Ligue que c'est le plus facile de faire les séries. Puis, ben oui, puis c'est plus facile à faire les séries. Et j'ajouterais à ça, c'est la Ligue la plus facile probablement à virer un club de bord. Si on regarde des équipes qui en arrachaient profondément dans des années, on pense aux Tiger Cats, on peut penser aux Red Blacks qui ont déjà eu de la difficulté plus en tant que les Renegades, mais tu sais, Saskatchewan, ça a eu c'est devenu des équipes, tu sais, je veux dire, c'est rare là, dans la CFL que tu restes une équipe comme les Browns de Cleveland pendant des années. Ben, moi, j'ai vu les Riders d'Ottawa. J'ai vu les. Mais c'était mené tout croche, les Riders d'Ottawa, dans le temps. C'était. C'est ça? Tu sais, c'était une risée. Quand tu repêches un joueur décédé, c'est une histoire vraie, ça, là. Tu repêches un joueur qui est décédé, là. C'est arrivé, là. Et, je pense que c'est une des ligues qui est le plus plausible de remettre une équipe sur pied en peu de temps. Ouais. Et on n'a jamais été en mesure de le faire à Montréal depuis trop longtemps maintenant. Non, effectivement. Pascal, on va surveiller ça de très près. Ça va arriver très, très bientôt. Pascal, en terminant, je ne t'en ai pas parlé. La NFL, c'est fou cette année. C'est magique, chatte, hein? Une chatte perdrait ses petits. C'est une manière que je dis ça. On se croirait dans la NBA en ce moment. C'est fou, là. Écoute, les gros noms. Pas juste des agents libres, là, des échanges. Ah oui. Écoute, c'est tellement... Pour moi, la NFL, c'est la plus belle ligue au monde, là. C'est tellement entertainant comme mouvement. Puis là, après, il va y avoir le repêchage qui s'en vient. Ouais. Il reste encore des gros noms comme agents libres. Il y a des équipes qui n'ont pas bougé. Faut pas penser, encore une fois, faut pas penser que certains clubs qui ont rien fait vont en rester là. Il y a des moves, comme on dit en bon français, intéressants qui s'en viennent du côté de la NFL, encore une fois. Pascal, gros, merci. Évidemment, on n'a pas grand-chose à se dire parce que c'est seulement qu'une rumeur au moment où on se parle. Mais c'est, quand on sait de qui ça sort, faut en prendre beaucoup. Faut vraiment accepter vraiment que ça c'est imminent. Et au plaisir de se parler, dès que la vente va se faire, je te rappelle, c'est sûr. Absolument. Notre collaborateur Pascal Masson des Alouettes de Montréal.